Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mardi 6 avril 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01, même nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle le principe, il est très simple, comme chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois aujourd'hui un invité pour qu'il puisse nous parler de ce qu'il fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Mais là, on va plus s'intéresser au niveau du métier. Donc, du coup, aujourd'hui, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Guillaume Delgado, qui est venu nous parler de son food truck appelé Au Calme du Terroir. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Parfait. Donc, tout d'abord, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. Je pose toujours cette même question à chacun de mes invités, afin qu'ils et elles puissent déjà vous connaître un petit peu. Okay. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? En quelques mots? Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Guillaume Delgado. Du coup, je suis dans les Vosges depuis à peu près 4 années. Je suis le gérant du food truck Au Calme du Terroir, du coup, qui est ouvert depuis 2 ans à peu près. Et puis voilà, donc c'est des idées comme c'est le côté agriculture et la cuisine qui ont fusionné, donc pour voilà maintenant proposer une cuisine locale, tout ça en restauration rapide. D'accord. Donc comme annoncé à l'introduction et comme vous venez de le dire, nous sommes ici aujourd'hui pour que vous puissiez nous parler de votre food truck Au Calme du Terroir. Donc avant d'approfondir un petit peu plus, pouvez-vous nous présenter votre food truck? Alors du coup, le food truck, c'est un food truck de couleur noire. D'accord. Et du coup, vous pouvez retrouver tout sous forme de galettes vosgiennes. Donc la galette vosgienne, après ça, c'est simple. Donc c'est des galettes que je fais maison. Après, c'est plié comme un wrap. Donc ça n'a rien à voir avec une galette bretonne ou autre. Du coup, il y a différentes farines. Il y a blé, seigle et du levain que je travaille moi-même. Donc tout ça après, c'est garni avec différentes choses. Donc on peut aller du bœuf qui est cuit pendant 2 heures ou avec de la bière. Ou sinon, il y a des râpés, différents fromages. Donc vraiment que du local avec... un maximum de producteurs vosgiens, donc que ce soit de la farine à la viande ou légumes, etc. quoi. Et donc justement, comme vous le dites, c'est très local parce que votre food truck a été labellisé récemment avec le label du coup Je vois la vie en Vosges terroir. Oui. Donc nous en parlerons un petit peu plus tard. Donc ce food truck, il existe depuis à peu près 2 ans, vous nous avez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai commencé les tournées en juillet 2019, du coup, tout exactement, voilà. D'accord. Donc, comment vous est venue cette idée de créer un food truck? Alors, l'idée, du coup, après, c'est venu en même temps que j'avais quand j'étais encore un peu dans le monde agricole, j'ai toujours aimé cuisiner, en fin de compte. Et puis, après, clairement, le food truck, maintenant, ça fait quand même pas mal d'années qu'il se met en place sur toute la France. Et donc du coup, moi je trouvais vraiment l'idée sympa, voilà, d'avoir plusieurs emplacements, avec surtout aussi le côté financier qui est pas non plus énorme comparé à se mettre en place sur des restaurants ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai fusionné deux passions, ce qui était côté agricole et la cuisine. Donc voilà. D'accord, surtout qu'en ce moment, avec la crise sanitaire qu'on connaît tous, les food trucks sont vraiment devenus presque indispensables, vu que beaucoup de restaurants, voire tous les restaurants, sont fermés. Oui. Donc du coup, le food truck, il est vraiment indispensable, c'est un restaurant sur roue, en fait. Oui, tout à fait, ouais, c'est quelque chose de mobile. Donc après, le réel avantage, c'est que, par exemple, s'il y a un endroit qui est pas trop intéressant, je peux le changer, quoi. Après, avec les démarches qui vont avec, bien entendu, mais ça a un réel plus. Et puis aussi, si vous voulez réserver le food truck, quoi, du coup, il y a des possibilités, hein, que ce soit du mariage ou un simple anniversaire ou peu importe, quoi. Hein, je veux dire, même pour les entreprises, quoi, on a fait toutes sortes de demandes et de devis, voilà. D'accord. D'ailleurs, pourquoi ce nom de Au Calme du Terroir? Alors du coup, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à chercher, à trouver. Donc du coup, c'est vrai que c'était compliqué mettre ces choses ensemble, parce que du coup c'est vrai que je fais, il y avait la cuisine maison, il y avait le aussi la galette vosgienne, parce que tout est présenté sous cette forme là donc je voulais quelque chose quand même qui comment dire, qui interpelle et en même temps qui décrit ce que je fais. Donc c'est vrai que Okam, donc le KAM, c'est camion, hein, pour faire simple. D'accord. Et donc voilà. Ok. Donc du coup, vous en avez un petit peu parlé, mais vous pouvez peut-être un petit peu développer. Quels sont les types de plats que nous pouvons trouver dans votre food truck Okam du terroir ? Ah, du coup, actuellement, donc sur les flyers que vous pouvez retrouver, du coup, j'ai 6 propositions sans prendre en compte celle qui est celle du moment. Donc j'en mets toujours une en plus, quoi, d'après mes envies, en fin de compte, surtout, ou des idées qu'on peut me donner. Donc du coup, alors, comme j'avais dit, ça va du bœuf mijoté jusqu'à un trio fondant ou avec 3 fromages différents. Sinon, j'en ai un autre qui, du coup, avec le lard paysan, avec sauce master, oignon grillé. Donc du coup, c'est le petit cochon. Sinon, j'ai aussi le vaugivore où on peut retrouver de la saucisse au couteau avec une sauce terroir. Et sinon, il y a aussi le daro pour les plus gros mangeurs, on va dire, avec le râpé, de la tome, une sauce chic et tout ça. Après, on peut l'accompagner de chips maison. Et en plus, vous avez le choix des sauces. Voilà. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, donc c'est un camion, donc une camionnette, en fait, Okam du terroir. Du coup, comment vous avez obtenu cette camionnette? Comment vous l'avez, on va dire, tuning? Enfin, je trouve plus le mot, mais... Aménagé. Ouais, voilà. Aménagé, ouais. Peinte. Bah, du coup, moi, là-dessus, vu que c'est ma première création d'entreprise, là, sur ce côté-là, j'ai essayé de faire au plus simple. C'est-à-dire que j'ai regardé les occasions qui se proposaient. Et puis là-dessus, bon, j'ai été assez bien servi parce que du coup, c'est un camion qui avait moins de 10 ans à l'époque, avec un faible kilométrage, et puis aménagé comme il le faut, parce que du coup, j'ai pas encore fait de modification. Non, j'ai laissé à peu près comme il est, du coup. Et puis voilà, et puis pour l'instant, tout se passe bien. Et du coup, au niveau de la peinture, donc je suppose que sur votre camion, il y a écrit donc Okam du terroir. Oui. Donc comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez peinte vous-même ou vous avez demandé à quelqu'un de marquer Okam du terroir sur votre camionnette? Bah, du coup, tout ce qui était après aspect communication, du coup là, j'ai fait des devis tout simplement sur d'autres entreprises pour faire pour les adhésifs. Et puis donc là, il y avait de la pose, etc. Donc à la base, il est juste noir. Le food truck, et du coup là ils ont inscrit d'après, bah, ils ont mis le logo, etc., les horaires, les jours, plus le lien pour la page Facebook et Instagram, voilà. Ok, donc du coup pour Okam du terroir, en faisant mes recherches en préparant cette émission, pardon, j'ai vu que vous travaillez déjà avec 15 producteurs référencés. Oui. Pour confectionner vos menus, vos galettes, vos desserts et vos boissons. Donc oui. Comment se sont passées ces prises de contact et ces accords? Bah, du coup, ça c'est vraiment que c'est une grosse partie, quoi. Du coup, c'est vrai qu'en réfléchissant tout au début, moi j'y vais parce que moi j'aime bien, tu vois, prendre des contacts avec les agriculteurs, parce que du coup j'ai fait aussi un peu de temps dans le monde agricole et puis c'est quelque chose qui me passionne. Donc du coup là c'est vraiment une vraie partie de plaisir, mais c'est énormément de temps, quoi. Donc déjà trouver les personnes comme la ferme du Lejol où du coup je me fournis en viande. Donc du coup là j'ai dû regarder ce qu'ils proposaient. Donc, déjà la gamme est très variée, donc c'est, on va dire que c'est ouais, c'est pas de la chance, je sais pas, mais du coup voilà, c'est vraiment top pour faire des menus variés, quoi. Et après bah fallait voir aussi pour tout ce qui était boisson. Légumes crudités aussi, du coup là c'était sur raon en bois, donc là c'était vraiment une recherche personnelle, quoi, on va dire, sur internet, différents contacts avec d'autres producteurs qui peuvent, après il y a un réseau qui se crée en fin de compte, et je connaissais pas encore, bah, j'avais pas encore de contact avec Je vois la vie en rouge terroir, parce que je pense que avant de faire cette recherche, si j'avais déjà eu des contacts avec Je vois la vie en rouge terroir, ça m'aurait réellement beaucoup aidé. Parce que du coup, en fait, c'est un réel gain de temps, quoi, parce que une grosse partie est référencée. Nous avons un petit problème technique, malheureusement, je crois que votre micro est en train de, de lâcher. Donc ce que je propose, c'est que nous lancions une première pause musicale, et on va régler ça pendant la pause musicale. Donc on va se lancer tout de suite dans Stupflip et leur titre Strange Traps, et on se retrouve juste après, d'ici à peu près, un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. Retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter le groupe Stupflip, je ne sais pas si je le prononce bien. Stupflip. Avec leur titre Strange Traps, chanson du coup sortie en 2012 et tirée de l'album Terrora avec deux points d'exclamation. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Guillaume Delgado que nous espérons avoir retrouvé après ce petit problème de micro. Donc Guillaume, est-ce que votre micro fonctionne ? J'espère bien. Eh ben, ça a l'air d'aller en espérant que ça va durer. Donc du coup, je vais vous reposer la question avant la pause musicale, vu qu'on vous a pas bien entendu. Comment se sont passées ces prises de contact et ces accords avec ces différents producteurs référencés ? Alors comment ça s'est passé ? Bah du coup, moi de mon côté, ça s'est très bien passé, parce que du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes en fin de compte. Et voilà, vu que j'ai toujours, j'ai vraiment, on va dire, un vrai amour pour le monde agricole, on va dire, du coup, hein, le côté vivant en fait, ce qui me ce qui m'intéresse vraiment beaucoup là-dedans, quoi. Donc du coup, pour trouver tous ces producteurs, ben du coup, j'ai regardé en fin de compte sur internet principalement, en fin de compte, quoi. J'avais pas encore de contact, donc avec Je vois la vie en Vosges terroir, ce qui m'aurait réellement on va dire faire un gain de temps, quoi. Ce que serait, c'est un vrai réseau, Je vois la vie en Vosges terroir, du coup, avec des contacts, etc. Donc ça aurait été plus rapide, mais bon, voilà, c'était aussi le jeu comme ça, quoi. Ok. Donc du coup, bah, la pause musicale était prévue juste après cette question, mais du coup, nous avons inversé. Donc je vais poser la question suivante, comme si nous revenions de la pause musicale. Donc pour reparler de cette pause musicale, donc c'était Stupéflip avec Strange Traps. Oui. J'aime beaucoup poser cette question, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Stupéflip ? Pourquoi celle-ci, du coup ? Après, voilà, c'est vrai que c'est compliqué, ça. Bah, du coup, c'est un groupe que j'ai découvert il y a peu de temps. En fait, ça mélange pas mal de styles, quoi. Je trouve que c'est, je sais pas. Après, exactement ce titre-là, je pense pas qu'il y aurait de réponse là-dessus, quoi. C'est le groupe en général que j'aime bien, quoi. C'est un titre que j'aime bien. Pourquoi, je pourrais pas répondre réellement, quoi. Mais voilà, c'est, je trouve assez. En fait, il y a tellement de choses qui se mélangent dans leur groupe, quoi. C'est, je trouve ça vraiment super sympa et inspirant. D'accord. Ah, donc du coup, il est 14h17, nous allons pouvoir reprendre le cours de cette émission en espérant qu'il n'y aura plus de problèmes techniques, oui. Hein, les aléas du direct, malheureusement. Donc, pour reparler de votre food truck au Calme du Terroir et de ce label Je vois la vie en Vosges Terroir, récompense les artisans, les agriculteurs, les traiteurs, les boutiques et du coup maintenant les food trucks pour leurs produits locaux. Donc quand vous avez créé au Calme du Terroir, était-ce important pour vous de ne prendre que des produits locaux pour vos plats? Et si oui, pourquoi que du local? Oui, c'était important, clairement. Pour plusieurs raisons, parce que du coup, en fait, déjà dans mes habitudes personnelles, du coup, je fonctionne déjà comme ça. Je trouve que c'est réellement important de savoir d'où ça vient, les produits, quoi, pour moi. Et en plus, en même temps, il y a un retour avec le, ben, un retour. Je trouve qu'il y a une qualité aussi derrière, quoi. Et aussi l'aspect humain, il y a tout. Toutes ces choses-là qui sont réellement importantes pour moi. Et c'est du coup ce que j'ai voulu proposer aux différentes personnes qui viennent manger. D'accord. Et leur montrer, leur prouver que c'est tout à fait possible de manger localement sans forcément doubler ou tripler son budget, quoi. Je veux dire, après, voilà, c'est juste une façon de faire. Il y avait aussi, je pense, vraiment une volonté de soutenir du coup les artisans locaux à travers votre décision. Oui, du coup, en fait, ça, comment dire, c'est en travaillant avec eux, du coup, je sais que ça les aide aussi d'un côté, quoi. Je veux dire, c'est le fait de travailler ensemble. Pour moi, je pense que faire les choses ensemble et pas chacun de son côté, ça a une réelle importance, quoi. Voilà, parce que du coup, dans le monde agricole, c'est pas forcément évident à chaque fois. Ils travaillent aussi. Bah, tout ce qui est animaux, etc., voilà, c'est le vivant, donc du coup, c'est très fluctuant. Donc, moi, je pense que travailler et consommer avec, enfin, localement, ça peut que être du plus, quoi. D'accord. Du coup, avez-vous un périmètre du coup kilométrique pour votre food truck? Est-ce que vous allez genre à 50 km maximum ou pas du tout? Du coup, si je prends le point de départ, c'est Remiremont. Du coup, et là, je prends vraiment, c'est pas vraiment en kilomètres, mais sur ma tournée, du coup, je me limite à 30 minutes. D'accord. Parce qu'en termes d'organisation, de frais, du coup, je peux pas. J'ai déjà fait plus, quoi. Hein, mais par contre, juste après, c'est quand on va sur une heure de route, quoi. Quasiment, j'avais fait, quoi, une heure aller. Après, c'est pas gérable, quoi. Humainement. Voilà. Après, il faut savoir que du coup, si je fais ça le midi, le temps de rentrer, le temps de nettoyer, etc., il est 15h passé. Il faut savoir qu'à 17h30, il faut de nouveau repartir pour le service du soir. Donc, du coup, après, il faut aussi savoir respirer et vivre aussi. Hein. Donc, voilà. Mais une demi-heure, c'est bien. Après, pour les événements, c'est différent. Il n'y a pas de. Pour l'instant, je ne me suis pas fixé de limite sur les événements, quoi. On m'a proposé, par exemple, en, en Haute-Saône ou des choses comme ça, ou même sur le secteur de Nancy, quoi. C'est pas un problème. D'accord. Donc, du coup, vous, on a un petit peu, enfin, vous, nous, je vais y arriver. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Pour avoir créé un food truck du terroir, je pense que nous pouvons dire que vous êtes, du coup, un passionné de cuisine et d'agriculture. Oui. Voilà. Ça. Donc, justement, quel a été votre parcours scolaire? Avez-vous fait des études dans le monde de la cuisine et ou de l'agriculture? Ou avez-vous effectué des études dans un tout autre domaine pour ensuite vous reconvertir dans ces domaines de la cuisine et de l'agriculture? Du coup, après, ce serait compliqué que si je détaille tout le CV. Parce que c'est vrai, j'ai fait vraiment plusieurs secteurs en fait d'activité, hein. C'est vrai que je suis passé du monde à la base, c'est vraiment le monde industriel, donc rien à voir, quoi. Mm-hmm. Je suis passé à la logistique, et du coup là je me suis réorienté une première fois pour être responsable d'exploitation dans le milieu agricole, du coup. Donc ça c'était vers 2014-2015, je crois bien. Et donc suite à ça, j'ai travaillé, ça doit être peut-être 2 ans, je suis resté à peu près 2 ans dans le monde agricole. Et suite à ça, du coup, après, je me suis intéressé vraiment tout ce qui était cuisine. Après, je parle intéressé dans le sens professionnaliser ça, quoi. Parce que je dirais, entre faire à manger chez soi et faire un service, il y a un fossé. C'est sûr, j'imagine, oui. Ouais, du coup, j'ai fait. Par contre, en cuisine, j'ai fait ça très très court, actuellement. Donc là, c'est quoi, juste, comment dire? C'était plus une découverte sur 3 mois avec des stages, etc. Puis après, je suis allé vraiment dans le vif du sujet. Et puis j'ai tout de suite travaillé en restauration sur le secteur de Gérardmer, faire des saisons avec des gros services. Donc du coup, là, c'est un réel plus. Parce que voilà, actuellement, je travaille seul. Donc gérer un service, les commandes, les paiements. Donc voilà, c'est tout plein de choses à savoir, en fin de compte. Donc voilà. Donc justement, vous venez de dire que vous travaillez seul pour le moment. Est-ce que c'est prévu à l'avenir d'embaucher une ou deux personnes pour vous aider, ou vous comptez toujours tout faire tout seul? Tout seul, c'est bien au début. Après, actuellement, je verrai comment les services évoluent. En tout cas, je sais que du coup, sur la période estivale, je prends ponctuellement du coup quelqu'un sur parce que je vais faire des services sur des campings, sur Xonru ou le camping des Granges-Bas à Gérardmer. Et là-dessus, du coup, je sais que je peux pas le faire tout seul. Donc là, je prends quelqu'un en intérim pour m'épauler. Mais après, ça serait réellement un plus, parce que du coup, en termes de travail, il y a ce qu'il faut. Après, c'est actuellement en faire vivre aussi quelqu'un d'autre, du coup, ou du moins payer. Ouais. Dis-moi, quelqu'un en plus, du coup, actuellement, ouais, le food truck peut pas se le permettre. Ouais. Mais voilà, on sait pas où on va. Hein. D'accord. Donc, est-ce que, depuis votre plus jeune âge, on va dire, vous vous êtes dit, plus tard, je créerai mon food truck et je sillonnerai les rues pour régaler mes clientes et mes clients? Ou est-ce que, quand vous étiez petit, vous vouliez devenir autre chose? Si je peux dire. Autre chose, j'ai pas le souvenir de. J'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu déjà une idée figée sur ce que je voulais faire ou être. Donc du coup, après, en tout cas, ce qui était sûr et certain, même quand j'avais fini déjà quand j'avais fait la partie industrielle, je savais déjà que je voulais être gérant de quelque chose. D'accord. Mais de quoi, par contre, ça, je pourrais pas le dire. En tout cas, j'avais toujours cette idée en tête, c'est que du coup, vu le temps qu'on passe dans le monde professionnel, hein, peu importe, pour moi, je peux dire qu'il faut que ça soit mélangé entre l'envie, la passion, etc. Parce qu'on passe beaucoup trop de temps à, justement, et faire quelque chose à contre-cœur, c'est épuisant moralement, etc. Et juste après s'évader sur 2 jours ou le week-end, ça m'a réellement jamais emballé. Donc du coup, là, je préfère me lever le matin avec le sourire, la motivation, etc. Donc, et là, j'ai trouvé le bon compromis actuellement. D'accord. Du coup, nous le disons un petit peu plus tôt, donc en début de cette émission, votre food truck a vu le jour vers l'été 2019. Oui. Voilà. Donc ça fera bientôt 2 ans, donc en été 2021, du coup. Est-ce que nous pouvons dire déjà que le succès est déjà au rendez-vous? Ou est-ce que vous n'auriez pas la prétention de dire que votre food truck a déjà un certain succès? Un succès, oui. J'ai beaucoup de retours positifs. C'est un réel. Ça motive encore plus qu'en fin de compte, quoi. Bien sûr. Après, ça, c'est juste, on va dire, plus personnel. Mais du coup, c'est vrai que je suis un peu dans l'hésitation, surtout au début, quoi. Donc, du coup, entre les essais, etc., parce que je partais vraiment de zéro. Mais donc, du coup, j'aurais vraiment misé sur quelque chose de qualitatif, quoi. Et du coup, là, ça se paye réellement, quoi. Donc, du coup, il y a vraiment de super bons retours. Et puis, j'essaye d'étoffer la gamme, proposer d'autres choses, travailler avec d'autres producteurs locaux. Sur la période estivale, j'ai aussi travaillé avec les glaces de cristal, donc qui est aussi labellisé Je vois la vie en rouge terroir. Donc du coup, voilà, c'est toujours encore plus, quoi. Donc justement, vous venez de dire que vous avez déjà eu de nombreux retours positifs de la part de vos clientes et de vos clients. Oui. Donc selon vous, même peut-être qu'ils vous l'ont déjà dit, qu'est-ce qui séduit vos clientes et vos clients pour votre food truck? Qu'est-ce qui est vraiment les motifs à venir vous voir, à vous passer commande? Pour me voir. Non, je déconne. dans un premier temps... Moi, je pense que du coup, les personnes qui se disent « Ah ouais, en plus... » Je pense que c'est le goût, quoi. Clairement, c'est le goût, quoi. Et après, ils regardent... Seulement après, ils découvrent que... Ah oui, en plus, c'est des producteurs locaux. Donc ça, c'est un réel plus. Mais c'est vraiment ce qu'ils mangent, en fin de compte, quoi. Là-dessus, on peut pas mentir aux clients ou aux clientes, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi, je dirais. Puis après, tout simplement, quand les personnes mangent... près du food truck, etc. Il y en a qui me disent « Ouais, super bon », etc. Ou, du coup, même ce dimanche midi, quoi, hein, des personnes qui étaient juste de passage, quoi, qui me disaient « Voilà, c'est franchement, félicitations », etc. Donc, c'est vraiment... j'en demandais pas autant, mais... ça fait plaisir. Oui, ouais, c'est vraiment... Voilà, ouais, ça fait plaisir, tout à fait. D'accord. Donc, j'imagine que pour gérer un food truck tel que le vôtre, il faut sans cesse se renouveler, que ce soit au niveau des plats proposés, des ingrédients utilisés ou autres. Oui. Bah oui, c'est pour ça que j'avais mis en place la galette du moment. Alors du coup, bon là, après exceptionnellement cette année, du coup, on va dire j'ai un peu freiné ça en début d'année, quoi. J'ai mis un peu de temps à le remettre en place. Parce que du coup, en janvier, je savais réellement pas où j'allais, en fin de compte. Parce que là, même maintenant, c'est à peu près à la semaine, on va dire. Mais voilà, toujours innover. Je pense que du coup, après, il y a vraiment différents clients entre ceux qui viennent et qui ont leurs habitudes, on va dire, c'est peut-être mieux. Qui ont leurs habitudes, qui disent, ouais, comme d'habitude, je prends ça. Le trio ou le Darou, parce que ouais, ils ont vraiment aimé, ils veulent pas voir autre chose, ou d'autres qui vont se lancer même le défi de manger tout. Ben, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont venir, ils vont manger autre chose, qu'en fin de compte. Après, ils essayent de faire un choix, mais du coup, en général, voilà, c'est ils hésitent encore. Donc, pour revenir sur les nouveautés, en fin de compte, ouais, je le fais aussi avec les brasseurs, par exemple. Quoi, j'essaye de varier les bières d'après les saisons. Là, il y a bière du printemps qui va venir. J'ai encore d'autres idées, mais seul, ça, je peux pas le faire, quoi. En termes de dessert, j'aimerais bien développer. Et même sur l'hiver, en fin de compte, aussi, quoi. Faire des choses chaudes, mais du coup, style soupe ou des choses comme ça, quoi. Mais du coup, il y a assez actuellement seul à faire. Oui, donc pour gérer un food truck et pour donner envie aux clients de revenir, il faut vraiment sans cesse se renouveler pour qu'ils se disent « Ah, cette fois, va peut-être y avoir quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas encore goûté, donc je vais aller voir pour... » C'est aussi une stratégie marketing, quelque part. Une stratégie marketing... oui, peut-être, hein, du coup, en marketing, du coup, certainement que j'en fais. Après, là-dessus, en fait, je découvre aussi ce côté-là, quoi. D'accord. Mais du coup, je pense que c'est important parce que je sais que du coup, il y en a qui reviennent juste pour les nouveautés, par exemple. Hein, mm-hmm. Parce que rien que pour la galette vosgienne, je sais qu'il y en a qui viennent pour ça, en fin de compte. Donc voilà, ouais. Une stratégie, je sais pas, mais moi, je pense que... Et puis de mon côté aussi, quoi, faut... Bien sûr. De mon côté, bon, je dirais, moi, ça m'éclate, quoi, en fin de compte, de travailler d'autres choses. Que ce soit du poulet, par exemple. Mm-hmm. Ou d'autres sauces, quoi. C'est toujours assez... voilà, on s'amuse un peu aussi, quoi. Oui, j'imagine, oui. Donc, du coup, il est 14h30. presque 31. Donc avant d'aller plus loin, je vous propose de nous lancer dans une deuxième pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutons cette fois une chanson plutôt typée métal alternatif d'un groupe plutôt connu dans le monde de la musique métal, le groupe Korn, avec leur titre Here to Stay, titre sorti en 2002 et extrait de l'album Untouchables, qui a déjà gagné deux récompenses, le Grammy Award de la meilleure prestation métal et le Mesh Music Video Award for iHeart Radio International Duo or Group of the Year. Voilà, l'accent anglais est toujours présent. Donc on s'écoute Korn avec Here to Stay et on se retrouve juste après, d'ici on va dire un peu plus de 4 minutes, donc un peu moins de 5 minutes. Enfin bref, on écoute ça et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo. Il est 14h36. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter le groupe de métal Korn avec leur titre Here to Stay. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Guillaume Delgado qui est venu nous parler de ce food truck appelé Ocam du terroir. Ça va toujours ? Très bien, super. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Korn ? Pourquoi ? C'est vrai que je ne me suis pas posé la question de nouveau. Mais là, du coup, c'était vraiment plus... plutôt un vieux souvenir, en fin de compte. Parce que du coup, là, c'était vraiment les entrées, on va dire... C'est les premiers groupes que j'ai découverts quand j'ai commencé à écouter, on va dire, tout ce qui était... dans le milieu du métal, en fin de compte, quoi. Donc là, ça remonte quand j'avais... j'avais peut-être 13 ans, un truc dans le genre, quoi. Donc du coup, voilà, avec le clip qui... C'était encore sur MTV, je crois bien. Je sais pas si ça existe encore. Alors là... Et du coup, voilà, c'est vraiment... C'était un groupe un peu qui m'avait vraiment... que j'avais vraiment aimé, en fin de compte. Et là, on peut dire que c'était la période un peu fan de Korn. Et du coup, voilà. Bah, du coup, c'est un peu le côté nostalgique, voilà. Ok. Donc, on va reprendre le cours de notre émission. Comme nous le disions un peu plus tôt, vous avez créé votre food truck vers l'été 2019. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de vous faire connaître? Parce que, je ne sais plus, mais en février 2019, il n'y avait pas encore la crise sanitaire qu'on connaît actuellement, il me semble. Mais même, ça n'a pas été trop difficile de créer ce food truck et de vous faire connaître? De se faire connaître, très honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça. C'est pour ça que du coup, moi, en termes de, comme on parlait du marketing avant ou des choses comme ça, du coup là-dessus, j'ai pas trop bossé en fin de compte, clairement. Moi, je voulais d'abord offrir quelque chose de qualitatif. On travaillait déjà ma cuisine en fin de compte. On travaillait dans le sens tout ce qui était gérer l'encaissement, etc. J'avais beaucoup de choses à apprendre aussi en même temps en fin de compte. Et puis voilà, donc du coup, compliqué aussi à se faire connaître, ouais, quand même. Ouais, du coup, là, c'était un peu long. Je pensais que réellement, le bouche à oreille, serait plus rapide. Puis à savoir, du coup, peut-être que ça s'entend. Du coup, voilà, je suis pas vosgien à la base non plus. Donc, en termes de connaissances, voilà, j'étais aussi assez limité, etc. Donc voilà, ça a mis un peu plus de temps que ce que j'imaginais, en fin de compte. D'accord. Donc, actuellement, à cause de la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous, mais dont on ne va pas citer le nom, je pense qu'on en entend assez parler de nos jours, j'imagine que c'est très compliqué pour vous actuellement d'assister à des marchés, des commissions de dégustation, des salons ou encore des réunions de producteurs. Oui, bah du coup, en fait, il y a tout qui est chamboulé, quoi. Après, très très honnêtement, ça me change pas grand-chose parce que j'ai aucune base. D'accord. Dans le fait que ça me change pas. En fait, c'est pas comme si j'étais déjà en place comme certains collègues sur Épinal, quoi. Et du coup, ils ont déjà leur clientèle ou voilà. Bon, après, je sais qu'ils fonctionnent bien, etc. Ils ont leurs événements et tout ça sur 4 ans, quoi. Et là, d'un coup, que ça soit cassé, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué parce que là, réellement, eux, ils sont voilà, c'est plus dur, quoi, on va dire, de maintenir, on va dire, leurs chiffres. Moi, du coup, je suis en évolution. Bah, certainement qu'il a impacté ou pas. En fait, vu que j'ai pas de repères, je peux pas me dire est-ce que le Covid, oui, non. En tout cas, la courbe va dans le bon sens, ce qui est déjà positif. Donc, du coup, en fait, je m'adapte à chaque fois. Comme en début d'année, j'ai dû adapter de nouveau tous mes emplacements. À savoir que c'est très handicapant parce que les services du soir, j'ai mis plus de 6 mois à vraiment mettre les choses. En place, c'est-à-dire des emplacements intéressants. Et là, du coup, une fois que ça roulait bien, bah là, du coup, il les enlève dans le sens jusqu'à 18h. Pensez bien que c'est pas forcément top. Même jusqu'à 19h, là, je fais juste une fois au syndicat, donc c'est-à-dire de 16h à 18h45. Donc voilà, c'est une moitié de service. Hein. Donc voilà, c'est plus compliqué. Mais donc, justement, quand la situation ira mieux, parce qu'on se doute qu'elle ira mieux un jour, quand, ça on ne sait pas, est-ce que c'est prévu à l'avenir d'assister à des marchés, des commissions, etc.? Ben, des commissions, c'est-à-dire des commissions. Des commissions de dégustation, des salons de traiteurs ou encore des réunions de producteurs. Ben, après tout ce qui était dans le local, ben, je pense que oui. Ben, de toute façon, après moi, en termes d'événements, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas eu de limite. Je sais pas s'il faut que je m'en mette. On verra bien. Mais je sais que du coup, par exemple, en fin mars, il y avait Joël Avion Vosges Terroir qui. Ils en faisaient partie, hein, certainement d'autres labels ou autre chose qui organisaient justement cette randonnée, trail, etc. sur Épinal. Bon, ça a été annulé. Là, il y a quelque chose qui va se passer, du coup, c'est en mai, le 16. Donc, du coup, c'est un marché avec des producteurs locaux et aussi randonnée, etc. Pas mal de choses ensemble. Donc, du coup, là, on m'avait dit que si ça m'intéressait, quoi. Donc, là, tout ça, ça va se développer, quoi. Et ce qui est réellement un vrai plus, quoi. Après, j'ai fait un marché nocturne l'année dernière à Raon-en-Bois. Donc tout ça, ça permet de se faire connaître. Et puis, voilà, c'est que du plus. Bien sûr. Donc, on parlait un petit peu plus tôt dans cette émission de vos différents partenaires. Donc, on peut peut-être les citer, les partenaires. Tous les partenaires? Là, j'en ai quelques-uns sous les yeux, mais je ne sais pas si je les ai tous. En termes de producteurs? Ouais, un petit peu tout ça. D'accord. Bah, après, en termes de producteurs, bon, du coup, sur on peut commencer tout simplement avec la viande. Donc là, la viande, ça vient de la ferme du Lejol, tout ça à Gerbamont. Donc, bœuf, lard fumé, la saucisse au couteau qu'on peut retrouver dans le Darou, le Vosgivore. Après, du coup, tout ce qui est parti fromage actuellement, donc du coup, c'est le GAEC du Vaxeux au Tio, ou sinon le Xatis. Donc là, après, ça va du Minster au fromage frais, de la Tome. Après, sur le Xatis, je sais qu'ils ont aussi le Grayer. Après, c'est pas constamment, mais de temps en temps, je travaille avec. C'est pour la galette du moment, en fin de compte. Après, tout ce qui est légumes, crudités. Là, du coup, quand c'est la saison, du coup, je vais à la ferme au temps de la source, à Raon-en-Bois. Après, donc la farine, ça, c'est à Réopal. Ensuite, tout ce qui est boisson. Après ça, du coup, bon, ce soit de la Golaille, la clandestine ou la Madelon. Ou aussi, ça, c'est... En fait, plus dans les Vosges, mais c'est juste à côté de Nancy, c'est les simples qui font des infusions pétillantes. Donc c'est en plus un produit qui plaît vraiment bien, quoi. Je trouve ça intéressant ce qu'ils font. Donc c'est peu sucré, etc. Après, du coup, de tête, il y a tout ce qui est l'huile. Ça, c'est le gag du robinet. C'est l'huile de colza. Ensuite, que je réfléchisse. Donc les glaces de Christelle, par exemple. Après ça fait beaucoup. Mais sinon, du coup, c'est vrai que je développe. Après, j'essaie de voir aussi pour, par exemple, travailler avec de l'agneau, des choses comme ça, quoi. Donc, j'essaie de varier, que ça soit des pois chiches, ouais. J'avais oublié celui-là. Les pois chiches, ça vient de la ferme Maglev, avec du robinet, pas que du robinet, du. Les pois chiches à faire mal glaive, ouais, c'est ça. Ensuite. Bah, personnellement, sous les yeux, j'ai le GAEC des noisetiers à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Ouais, c'est pour les pommes de terre. Ouais, voilà, non loin ouais. Des locaux d'ailleurs de Radio Guémozo. Et j'ai aussi la brasserie La Clandestine à Charmolles-Orgueilleux. Oui, c'est ça. Oui, bah ouais, pour les boissons, du coup, ouais, tout ce qui était. Après, je dois encore en oublier parce qu'effectivement, ça commence à faire beaucoup. Ouais, la liste est longue. Ouais. J'ai également le pondoir stéphanois de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Oui, c'est ça, pour les œufs, ouais. Okay. Avec les râpés, etc. Quoi, ouais. Très bien. Donc, je vous propose qu'on reparle un petit peu de ce fameux label Je vois la vie en Vosges terroir. Oui. Dont votre food truck au Cam du terroir est bénéficiaire. Donc, en préparant cette émission, j'ai vu que ce réseau recense à présent 109 adhérents, agriculteurs, artisans, industries agroalimentaires et diffuseurs, tous situés bien sûr sur le territoire vosgien. Le nombre 109 peut paraître énorme, mais quand on connaît le nombre d'agriculteurs, artisans, industries agroalimentaires et diffuseurs dans les Vosges, ça paraît peu. Donc j'imagine que c'est, j'oserais dire, un honneur pour vous que de recevoir cette récompense qui est un gage de reconnaissance. Oui, c'est ça, du coup. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de travail, en fin de compte, quoi. Et voilà, que les personnes qui viennent au food truck voient qu'il y a ce label-là, je pense que ça peut les mettre aussi en confiance. Et puis après, voilà, il y a plein de choses. Le fait de travailler avec ce label, humainement, ça peut qu'être mieux en fin de compte. Connaître d'autres producteurs et puis même les personnes qui gèrent le label en fin de compte, quoi. Effectivement, d'être le premier food truck, c'est vraiment top, quoi. Justement, car quand nous disons ça paraît peu, j'ai quelques chiffres sous les yeux. Oui. Pour donner une idée un peu plus précise à nos auditrices et nos auditeurs, on compte dans les Vosges 3179 actifs agricoles à temps plein, 914 salariés dans les exploitations, 2995 exploitations agricoles actives dans une dominance de prairies herbagères, une prairie herbagère étant une prairie permanente ou temporaire, pâturée par le bétail, dont 1557 exploitations dites professionnelles d'une surface moyenne de 130 hectares. Une agriculture essentiellement familiale est tournée vers l'élevage. Il y a également 167 exploitations qui transforment les produits de la ferme et les commercialisent en direct pour plus de 10% de leur chiffre d'affaires. C'est bientôt fini. 61 exploitations qui développent une activité d'hébergement et 38 de restauration, 295 000 hectares de forêt et 50% du département des Vosges est couvert de forêt, donc etc., etc. Donc bien sûr, si vous n'avez pas tout retenu, ce qui est normal, vous pouvez vous rendre sur le site de la Chambre d'agriculture des Vosges à l'adresse https://vosges.chambre-agriculture.fr/ pour retrouver tous ces chiffres. Donc c'est vrai que 109 par rapport à quelques milliers, ça paraît peu, du coup. Donc faire partie, ouais, de ces peu de 109, on pourra dire, c'est, j'imagine, bon, après je suis pas à votre place, mais j'imagine, mais que c'est très très comment dire, valorisant. Oui. Mm-hmm. Bah oui, c'est bah clairement. Après du coup, c'est juste, j'ai envie de dire, après ouais, sans être prétentieux. Mais du coup après, je veux dire, il y a des personnes qui aiment réellement et puis bien moi. Sûr. Ils voient pas non plus forcément le travail qu'il y a derrière, hein, de chercher les produits, etc. Donc voilà, c'est vraiment voilà, ouais, c'est valorisant. Donc ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas comment se passe cette obtention, pardon, de cette récompense, pouvez-vous nous parler du processus, si vous le connaissez? Oui, bah oui, du coup, c'était ça aussi que je voulais parler. Justement, sur le label, tous les producteurs qui veulent du coup y adhérer avec en présentant des produits. Donc du coup, il y a des commissions, hein, c'est juste pas une simple étiquette en fin de compte, hein, c'est quand même réglementé avec des dégustations, des jurés qui viennent, quoi. Donc du coup voilà, mais il n'y a pas forcément tous les produits qui passent et on met réellement la qualité devant, quoi. Donc pour la partie food truck, du coup, vu que j'étais le premier, bah du coup on a dû un peu travailler tout ce qui était à la mise en place quand même du, je sais pas si c'est le bon mot, contrat, bon, on va dire ça comme ça. Du coup, par exemple, il y a un minimum à respecter, c'est-à-dire de 50% avec des producteurs doit être, je vois la vie en Vosges terroir, avec ce qu'on propose sur la carte, avec un menu aussi, donc je vois la vie en Vosges terroir. Et là, du coup, moi, ça concerne la galette, c'est le trio fondant. Donc là, vraiment, que ça soit de la farine aux différents fromages, en fin de compte, tout est vraiment, je vois la vie en Vosges terroir. Et donc d'assister à des événements aussi, etc. De faire partie des jurés pour les commissions d'agrément. Donc voilà, il y a des choses à respecter aussi, quoi. C'est pas juste simple autocollant. J'imagine. Donc il est 14h50. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une troisième et dernière fréquence que vous avez choisie toujours et que nous écoutons une chanson, cette fois plutôt hip-hop rap, oui, intitulée Obélix. Pour donner les références comme j'aime bien le faire, cette chanson Obélix est sortie en 2015 et est le troisième titre de l'album Céleste, second album du rappeur Hippocampe Fou. Est-ce que ça vous va qu'on écoute ce titre? Bah, super. Okay. Donc on s'écoute Hippocampe Fou avec Obélix et on se retrouve juste après, on va dire d'ici moins de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Guimauzo. Je crache loin des rizières me baignent, dans des rivières de graisse, je finirai peut-être dans des cimetières pourris pour Botaramou, Mahamoud, car j'accours dans des fast-food, y'en a partout, à tous les carrefours. J'avale 12 casse-croûte par jour, même au mois d'août, je fais la cour à des sexy burgers anamorphiques que je pourrais s'engloutir avec une paille à la sortie du taf. Morph à la mort, je m'empiffre, manquis des litres de lipides, la bouffe et ma morphine, je blague pas, je suis un gros time, faut mon quota de pot, maillot, mon jerrycan de soda, je graille tout ce qui est trop gras, je pas mon portrait funéraire sur les parois de mon estomac, avec des colorants alimentaires, j'ai une carence en fer, des caries dentaires, je suis malodorant. Hey, on traite de boulimie quand je verse du coulis de fruits de mer sur des grands cakes aussi limites. J'aime les sucettes à l'huile et le jus de nuggets, ceux des donuts sans guise de chevalière, faisons frire ce texte. Bouge ta graisse, bouge ta graisse, bouge ta graisse, remue ta paire de fesses. En bénit, bonjour monsieur, je vais vous prendre le triple cheeseburger au sanglier s'il vous plaît. Ouais, avec le supplément cordon bleu. Et le, la petite sauce schtroumpf, on paye pas plus? Je prends. Je prépare de géantes tartes aux fraises tagada. Brosse mes dents 10 fois par jour avec de la barbe à papa. J'achète, j'avale, j'évacue. Je suis imparfait, plein de poils et charnu. Mon nutritionniste me reçoit chaque mois dans l'arrière-salle de son kebab. Là, je crois qu'entre deux clients, son cuisson va gentiment me mettre un anneau gastrique en métal. Bouge ta graisse, bouge ta graisse, remue ta paire de fesses. J'ai l'appétit d'Obélix. Bouge ta graisse, bouge ta graisse. Ah, attends, non, je fatigue là. T'aurais pas un sucre sans sucre? Hippocampe flou sur Radio Game Ozo. Vous êtes de retour pour la suite et la fin de cette émission. Vous venez d'écouter du coup Hippocampe flou avec son titre Obélix, titre hip-hop rap plutôt humoristique on va dire. Hey. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Guillaume Delgado qui est venu nous parler de son food truck au Cam du Terroir. Ça va toujours? Bah oui, super. Donc même question que pour les deux précédentes fréquences, vous êtes habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette chanson Obélix de Hippocampe flou? En fait, c'est un rappeur que, je sais pas, ça me fait plutôt rire, en fait, ses titres. Du coup, et puis ça change réellement de ce qu'on peut retrouver sur les, comment dire, sur les grosses radios ou des choses. En fait, c'est, je trouve ça assez triste, en fin de compte, là, ce que le rap est devenu en quoi. Parce qu'avant d'écouter du méta, c'est vrai que j'écoutais un peu de rap aussi. Donc, en quoi? En 15 ans. Ouais, je trouve que c'est devenu ridicule actuellement. Et là, il y a juste du temps, il y a encore des rappeurs qui font vraiment des bonnes choses, quoi. Et pour moi, lui, en fait partie, quoi. Il y en a encore d'autres, hein. Du coup, que ce soit 12 Kawa ou plein d'autres encore. Demi-portion. Bah, c'est vraiment des personnes peu connues où il faut faire des recherches, en fin de compte. Donc voilà. Après, pourquoi ce titre ouais. D'accord. Parce que c'est aussi ça qu'on veut faire à Radio Game Ozo, mettre en avant des chanteurs, des rappeurs qui ne sont pas forcément diffusés sur d'autres radios. C'est aussi ce qu'on veut vraiment, parce que ce qu'on entend sur les autres radios, en fait, on les entend sur toutes les radios. Alors qu'ici, comme vous venez de le dire, Hippocampe flou, on l'entend nulle part. Ouais, non, très honnêtement, ouais, j'ai de gros doutes. Ouais, c'est bien, c'est rigolo, c'est aussi ce qu'on aime à Radio Game Ozo. Super. Du coup, il est 14h55, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé, mais qui mériterait absolument de l'être? Qu'est-ce qui mériterait d'être abordé? Après, il y a encore d'autres points, je pense, du coup. Hein. Sur la création d'entreprise, peut-être, du coup, hein, je pense que... C'est un réel, comment dire. C'est un chemin qui est peut-être un peu long, compliqué, mais moi que j'encourage en fait toutes les personnes à vraiment faire ce qu'ils aiment en fin de compte. C'est réellement important, je pense surtout actuellement quoi. On a besoin de faire ce qu'on aime, surtout avec cette période là quoi. Après d'autres points, vous avez qu'à venir au food truck, je crois que ce sera plus simple. Parce que comme vous venez de le dire, je trouve personnellement, on sait que c'est important de faire quelque chose qu'on aime, ne pas aller au boulot, la boule au ventre, en mode « Oh, je suis pas bien, je vais devoir faire ce que j'aime pas. » C'est ça, clairement, ouais. Je veux dire, pour s'épanouir, il faut faire justement quelque chose qui nous plaît beaucoup, même si c'est pas toujours simple, c'est vrai. Oui, mais il faut se donner les moyens, il faut travailler. Voilà. Oui, c'est ça, ouais, les moyens, du coup. Je pense que chacun est capable, après. Hein, bien sûr. La plupart des freins qu'on a, je pense qu'il y en a quand même une grosse partie, c'est chacun se met ses freins, quoi. Entre la peur, le doute, il y a énormément de peur, je pense, quand je parle avec des personnes, etc., quand je peux me le permettre pendant les services. C'est vrai qu'il y a toujours, surtout sur actuellement, quoi, depuis le Covid, bon, après, on le voit partout, mais le climat qui est encore plus que pesant, et révélateur en fin de compte. Mais je pense du coup c'est un bon exercice pour remettre ça de côté quoi, puis avancer. Tout à fait. Donc si nous voulons vous retrouver et retrouver votre food truck au Cam du Terroir, comment pouvez-vous nous faire? Alors actuellement, le plus simple, c'est d'aller sur ma page Facebook, la page Facebook d'au Cam du Terroir. Normalement, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Facebook, hein, il me semble. J'ai pas pu le vérifier encore. Sinon, je mets aussi Instagram à jour, un peu moins, quoi. Mais du coup, sur la page Facebook, pour y revenir, il y a tous les jours, je mets là où je suis. Je mets les nouveautés. Et tout en haut de la page, du coup, il y a les emplacements avec les jours. Donc forcément ils sont amenés à être modifiés. Parce que du coup, là, avec les nouvelles restrictions, La fin du couvre-feu, un jour. Donc voilà, pour l'instant c'est ça, mais du coup j'aimerais bien mettre en place, bon c'est beaucoup plus long que prévu, mais un site internet, je sais qu'il y a des personnes qui sont, comment dire, plus à l'aise là-dessus. Après moi je suis pas, je pense que Facebook c'est très simple aussi, quoi. Une fois qu'on est sur ma page, le flyer apparaît très rapidement et... sur le flyer, il y a tout, en fin de compte. Il y a l'adresse mail, le numéro de téléphone. Il n'y a juste pas les emplacements, effectivement. Mais bon, en même temps, ils sont tellement modifiés depuis le début que voilà, ça ne sert à rien de le mettre sur le flyer actuellement. Ben, je mettrai le lien de votre page Facebook en podcast avec cette émission demain dans la journée. Super. Pour vous retrouver facilement, quoi. Oui, ok. Donc, du coup, il est 14h58. C'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Guillaume Delgado d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec, comme je viens de le dire, le podcast de la journée de demain. Yes. Je pourrais vous l'envoyer par mail si ça vous tente. Bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai cette fois par téléphone MBM, Catcher, qui sera là pour nous parler de sa carrière et pour casser certains... on dit, encore présent aujourd'hui sur le monde du catch, tout simplement. Donc, en attendant, je vous laisse en musique avec Kenny Arcana, pardon, et son titre Fille du Vent, ou alors avec Frederica Stahl avec The World to Come. Voilà, avant de retrouver un autre programme proposé par Radio Guémozo, aujourd'hui donc Kaizen, à 19h. Donc, merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain. Salut et à demain.